Japon va-t-il devenir le nouvel Eldorado des terres, des terres rares? Une nouvelle étude publiée au début du mois fait état d'un important gisement sous-marin au large des côtes japonaises qui pourrait contribuer à réduire encore un peu l'écrasant monopole chinois sur ces métaux devenus indispensables tant à l'industrie numérique, téléphone, voiture, ordinateur, qu'à l'industrie des énergies renouvelables, très gourmande également de ce type de métaux. Des métaux pas si rares que leur nom l'indique, mais dont l'extraction et le recyclage posent toujours de sérieux problèmes industriels et environnementaux. Terre rare, le nouvel or noir, c'est le problème que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment s'organise ce secteur d'extraction, comment il s'est structuré ces dernières années et comment il commence peut-être à se modifier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui autour de la table de la méthode scientifique Michel Latroche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et à l'Institut de chimie et des matériaux de Paris-Est. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble avec Bruno Goffet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS émérite au Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement. C'est le CEREG ex-Marseille Université. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et en complément en suivant notre fil podcast, le fil podcast de l'émission, le fil Twitter de l'émission, mais en podcast aussi. Vous pouvez nous écouter tout à fait. Le fil Twitter, en tout cas, c'est @laméthodefc. Alors, revenons quelques instants pour commencer. Si vous le voulez bien, sur cette découverte au Japon, on parle de 16 millions de tonnes de terres rares sur une surface sous-marine de 2500 km². Est-ce que cette découverte est, selon vous, à même de pouvoir changer, ne serait-ce qu'un peu, les rapports de force dans l'exploitation de ces métaux rares, notamment par la Chine qui en a un monopole à plus de 90% encore aujourd'hui, Bruno Goffet? Je ne pense pas. Merci, bonne journée. C'est la fin de cette émission. Non. Oui, en fait, parce que, en fait, il faut comprendre le contexte global de cette découverte. Le Japon est un pays qui n'a peu de ressources minérales et pas de ressources d'hydrocarbures. Et un pays qui est potentiellement en conflit, au moins historique, avec le principal producteur de terres rares qui est la Chine. Donc, de trouver des terres rares chez eux, finalement, c'est quelque chose qui leur paraît exceptionnel. Mais le problème, c'est quand on regarde les concentrations, j'ai un peu regardé cet article, les concentrations tournent autour de 2000 ppm de terres rares, sans distinction. 2000 ppm, c'est 0,2%. Or, les gisements à terre qui sont exploités par les Chinois ou même les gisements américains ont des teneurs énormément plus élevées, 50 000 ppm, donc 5% pour le grand gisement chinois et même 80 000 ppm pour les gisements américains et avec des réserves qui sont encore supérieures à ça, 30 millions de tonnes dans le plus grand gisement chinois, 16 millions de tonnes pour le gisement américain. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes gammes de volume, enfin de concentration, et en plus l'impact environnemental de l'exploitation, donc il faut brasser 200 fois plus de matière pour extraire ça dans un océan, avec des problèmes donc de dilution énorme. Et bon, alors il propose une méthode pour simplifier la chose, mais enfin on est quand même dans un milieu ouvert, c'est quelque chose qui me paraît compliqué, quoi. Et en plus la consommation globale de terres rares mondiale est relativement, par rapport à ces chiffres, est petite, hein, 120 000 tonnes par an. Je veux dire, on en a pour, avec les gisements terrestres, on en a pour 200, 300, 400 ans. Donc on voit pas pourquoi s'embêter à aller exploiter en sous-marin des choses qu'on a facilement à la surface. Ce que ça dit peut-être Michel Latroche, en tout cas le grand bruit qu'a fait dans la communauté scientifique cette découverte, c'est en tout cas que il y a une prise de conscience que l'état actuel du monopole chinois, que l'état actuel de la façon, des méthodes d'extraction de ces terres rares, bref, qu'il y a une sorte de prise de conscience non seulement du public, mais peut-être aussi un peu des gouvernants sur le fait qu'il va falloir pérenniser cette consommation de terres rares un peu plus qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Oui, certainement. Je partage l'avis de Bruno. Hein. Ce n'est pas une découverte extraordinaire, ce gisement au Japon, puisque les terres rares ne sont pas aussi rares qu'on le dit. On en trouve un peu partout, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, au Canada. Donc, on en trouve assez facilement. Ce qui est difficile, c'est plutôt de les extraire et puis de les transformer pour obtenir des métaux qui soient utilisables dans nos technologies. Donc, je veux dire que la réserve soit au Japon ou ailleurs, ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est de pouvoir exploiter ces réserves de façon... constructif pour le futur. Je crois que les pays occidentaux ont pris conscience depuis quelques temps de ce monopole chinois et de la nécessité d'avoir une meilleure répartition des ressources sur la planète. Et d'ailleurs, les Américains ont rouvert leur gisement de Mountain Pass en Californie pour pouvoir produire à leur tour des terres rares. Il y a aussi un gros projet en Australie, l'INAS, qui produit également des terres rares. Donc je pense que la prise de conscience, elle est déjà là, et que les pays occidentaux, pour des raisons stratégiques, ont compris qu'il fallait avoir une production beaucoup plus mieux répartie sur la planète. On prête ces mots, Bruno Goffet, à Deng Xiaoping en 92, qui disait « Le Moyen-Orient a son pétrole, la Chine a ses terres rares ». Il y a un livre qui a été publié au début de l'année qui s'appelle « La guerre des métaux rares » par Guillaume Pietron, édition Les Liens qui libèrent, qui a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'aujourd'hui, on est effectivement, de facto, en train de prendre conscience de l'importance de ces métaux, on va en parler dans un instant, dans ce qui serait une forme de troisième révolution énergétique, ou est-ce que c'est faire beaucoup de bruit autour de ces terres rares ? En fait, le grand problème, c'est que, donc, comme disait Michel, la terre rare n'est pas rare. En fait, elle est rare par ses qualités, quoi. C'est la propriété de la terre rare qui est rare, c'est exceptionnel, c'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça. Et en fait, le problème de la terre rare, c'est qu'à cause de sa place dans le tableau périodique, elle est associée à un petit copain qu'on n'aime pas voir. En fait, elle est associée à une colonne qu'on appelle les actinides, et en particulier un élément radioactif qui est le thorium. Et donc, à chaque fois que vous sortez une terre rare, 100 grammes de terre rare, eh ben, vous avez 10 grammes, 5 grammes, 1 gramme de thorium. Et dans nos pays, eh ben, vous connaissez bien la filière nucléaire, on a mis des règles extrêmement strictes sur le devenir de ces éléments radioactifs, ce qui fait que les usines qui étaient situées chez nous, ben, en France, à La Rochelle par exemple, ou aux États-Unis, eh ben, se sont vues de face à ces contraintes, et donc les coûts ont explosé, et c'est absolument pas devenu concurrentiel à des pays qui rejettent dans l'environnement sans aucun autre traitement les radionucléides. Et en particulier, il y a en Chine, sur 100 000 tonnes de terres rares produites, il y en a 70 000 produites de manière illégale, c'est-à-dire hors contrôle gouvernemental, et donc cela, c'est carrément jeter dans la nature tout ce qui n'est pas terre rare. Et évidemment, on rejette les actinides avec des pollutions majeures. Et donc, en fait, le coût d'exploitation de la terre rare, c'est le coût principal pour les pays occidentaux, c'est le traitement des produits radioactifs qui sont associés. Alors, on va peut-être reprendre simplement. Et donc, de reprendre ça chez nous, ben, il faut résoudre ce problème-là. On va reprendre tout ça depuis le départ, si vous voulez bien, pour bien comprendre effectivement ce que sont exactement ces terres rares, et pourquoi d'ailleurs on les appelle terres rares, et pourquoi d'un seul coup on se rend compte de l'importance stratégique de leur extraction et de leur exploitation. Vous avez dit quelques mots du tableau périodique des éléments. Michel Latroche, on peut préciser que quand on parle de terres rares, on parle en fait d'un certain nombre d'éléments du tableau périodique qui sont effectivement dans une catégorie. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont ces éléments ? Oui, alors, quand on regarde le tableau de Mendeleïev, en fait, on empile les couches électroniques. Donc, l'atome le plus simple, c'est l'hydrogène. On a un électron en orbite autour du noyau. Et puis, quand on empile comme ça, on monte à des quantités d'électrons de plus en plus importants. Et on arrive à un moment, alors c'est un peu technique, mais c'est la couche 5D1, 6S2. On va la mettre sur le fil Twitter de l'émission. On a déjà fait une émission complète sur ce tableau de Mendeleïev. Et nos auditeurs vous peuvent comprendre un peu. Mais allez-y, on va vous mettre tout ça. Vous allez voir, effectivement, sur une ligne, les lanthanides. Donc, les couches atomiques, elles sont numérotées SPDF, comme ça, et donc on arrive à la 5S1 à 6S2, et on va commencer à remplir une couche qui est la couche F. Et donc là, on a la possibilité de loger 14 électrons qui vont définir les 14 terres rares, donc du cerium jusqu'au lutétium. Et c'est ces électrons F qui vont donner des propriétés particulièrement intéressantes aux terres rares. Alors, il y a le magnétisme, l'électron F, par exemple, peut avoir des propriétés de magnétisme anisotrope qui va fournir les aimants permanents qu'on connaît connaît aujourd'hui, un néodyme ferbor, qui sont très puissants, qui sont utilisés par exemple dans les éoliennes. Mais il va pouvoir aussi donner des lumières très particulières pour les lasers, parce que les niveaux d'énergie entre les niveaux F des électrons sont très serrés, donc ça permet d'ajuster très finement par exemple la longueur d'onde d'un laser. Et puis on va avoir d'autres propriétés, par exemple de catalyse, hein, par exemple le cerium a une valence avec cet électron F intermédiaire qui va permettre de réduire ou d'oxyder les NOx ou le CO dans les gaz d'échappement. On reparlera précisément, hein, justement de ces propriétés intéressantes et comment on peut les mettre en application dans un certain nombre de registres, notamment, bien, vous venez d'en citer quelques-uns, l'informatique ou les énergies dites renouvelables. Peut-être un mot encore, Bruno Goffet, pour définir ces 17 métaux rares en tout, donc dont la plupart sont des lanthanides plus deux autres, le scandium, le yttrium et le scandium. Est-ce qu'on a mis, oui, on vous a mis le tableau de Mendeleïev, on va le mettre dans quelques instants. Quelles sont leurs caractéristiques? Pourquoi est-ce que ce sont ces métaux-là qui sont intéressants et que l'on cherche et que l'on extrait de la même façon? Comment est-ce qu'ils se répartissent dans les couches géologiques? Bruno Goffet, comment est-ce qu'on peut les définir de ce côté-là? Oui, alors en fait, on distingue deux types de terres rares, les légères, qui sont faites par celles qui sont les premières donc dans cette ligne dite des lanthanides. Donc on a le lanthane, le cerium, le praséodyme et le néodyme. Et cela, c'est ce qu'on appelle les terres rares. C'est les plus abondantes. Et ensuite, quand on s'avance dans cette ligne, elles sont de plus en plus, ce qu'on appelle lourdes, et de plus en plus rares. Et donc ce sont les numéros atomiques de 57 à 60 et ensuite de 62 à 71. Voilà, c'est ça. Donc c'est deux catégories qui sont les qu'on découvre dans la nature et avec une règle d'abondance qui varie. Il faut savoir que le cerium, par exemple, est plus abondant que le nickel, plus abondant que le cuivre. Le lanthane, qui est la première de cette ligne-là, est aussi abondant que le cuivre. Donc, c'est vraiment pas rare. C'est ça. C'est des choses qu'on peut exploiter d'une manière industrielle sans problème. Voilà. Ce qu'il faut préciser aussi pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que on les appelle terres rares également parce que contrairement à d'autres métaux comme le cuivre, par exemple, on ne les trouve jamais à l'état pur. On les trouve toujours, on les trouve jamais dans des filons comme on peut se figurer la façon dont on mine, je ne sais pas, un filon d'or. Oui, en fait, c'est souvent associé à une autre mine. Par exemple, en Chine, elle est associée à une mine de fer. Mais en fait, il y a quand même trois minéraux principaux qui portent ces éléments. Donc, l'un, c'est un carbonate fluoré qui s'appelle la bastnaïsite. Le deuxième, c'est un phosphate qui s'appelle la monazite. Et le troisième, c'est tout simplement un phosphate de calcium qui contient en traces plus ou moins abondantes des terres rares, qui est l'apatite. Donc dans les phosphates, en général, il y a beaucoup de terres rares. Et les gisements découverts par les Japonais sont dans des phosphates qui sont dans le sédiment. Voilà. Donc c'est de l'apatite, en fait. Voilà. C'est ce minéral-là qu'on extrait pour ensuite, ça c'est la première tri qui se fait dans la mine, et c'est ce minéral-là qu'on extrait et qu'ensuite on travaille pour sortir l'élément désiré. Alors les lourdes, les légères sont dans ces trois minéraux-là, et puis les lourdes sont dans d'autres minéraux plus rares, comme les argiles, donc ça c'est le principal gisement chinois, qui contient donc ces terres légères, ces terres rares lourdes, et ensuite deux autres minéraux qui s'appellent le xénotime et la fergusonite, le xénotime étant aussi un phosphate. Michel Latroche. Oui, je crois qu'on a mis le doigt sur un point essentiel, hein, sur la séparation des terres rares, parce que dans les minerais, en général, on a un mélange de plusieurs terres rares. Alors, comme l'a dit Bruno, ça peut être des carbonates, des fluorocarbonates, mais le métal qui va être associé à ces carbonates peut être une terre rare différente. Et comme les terres rares ont toutes les propriétés chimiques qui sont liées à leur structure électronique, hein, c'est 5D1, 6S2, donc elles sont en général trivalentes, ça va être très difficile de les séparer. C'est-à-dire qu'on peut obtenir un mélange de terres rares, mais on peut difficilement obtenir la terre rare toute seule. Alors, le mélange de terres rares, ça a déjà un intérêt, ça s'appelle le mischmétal, c'est une composition, alors ça dépend du gisement, effectivement, de l'abondance relative des terres rares, mais c'est utilisé, par exemple, les gens qui font des batteries nickel métal hydrure, hein, ils utilisent un alliage à base de terres rares, et pour des raisons de coût, plutôt que de mettre une terre rare pure, bah, ils vont utiliser ce mélange qui a des propriétés, le mélange a des propriétés assez voisines de la terre rare pure, qui serait le lanthane dans ce cas-là, et donc, par raison d'économie, ils vont utiliser ce mischmétal. Donc, on peut travailler avec ce mischmétal, Dans certaines applications, les batteries est un exemple, mais dans d'autres applications, il faut absolument remonter au métal pur. Par exemple, pour un aimant, il va falloir du praséodyme. Mmh. Et là, on va rentrer dans une chimie assez complexe, parce qu'il va falloir séparer les terres rares entre elles. Comme elles ont la même structure électronique, donc 5D1, 6S2, les électrons F entrent peu dans la liaison chimique. On ne peut pas utiliser de méthode chimique facilement pour les séparer. Donc ça va être de la chimie assez lourde. Alors on peut faire des méthodes oxydatives, réductrices, parce qu'il y a certaines terres rares qui ont une valence qui n'est pas 3, donc on peut jouer là-dessus, mais ça va pas suffire pour séparer les terres rares. Et après, il faut passer sur des méthodes d'échangeuse d'ions, il faut passer par de l'extraction par solvant. Donc des méthodes très lourdes, et c'est ce qu'évoquait Bruno, hein, qui peut être polluant, parce que tous ces solvants, bah, il faut après les recycler, les traiter. Enfin voilà. Et donc ça demande beaucoup d'investissement pour produire ces terres rares séparées. Ce qui intéressant, on le disait, peut-être qu'on peut en dire un mot maintenant aussi, Bruno Goffet, c'est que historiquement, la France, à l'origine de la découverte de ces terres rares, a une longueur d'avance en termes industriels, notamment sur l'extraction et le traitement des terres rares au début du XXe siècle. Vous l'évoquiez, il y a une société des produits chimiques de terres rares qui est créée dans la première moitié du XXe siècle et qui va s'installer à La Rochelle à partir de 1948. Oui, il y a une belle usine qui était l'usine Rodia, qui est maintenant l'usine Solvay, qui est à Rochelle, qui, si à ma connaissance, continue à traiter les terres rares. Mm-hmm. Ils ont un stock de terres rares de 7000 tonnes stockées dans des fûts sur le parking, parce que ils sont associés à des produits radioactifs, donc ils peuvent plus les utiliser. Mais vous voyez, 7000 tonnes, c'est 7% de la production mondiale, c'est pas rien. Et on a un champion de la terre rare qui était Rodia et qui a monté d'ailleurs une usine de recyclage pour recycler les lampes à économie d'énergie, ces lampes fluorescentes dans lesquelles qui contiennent des terres rares. Parce que l'intérêt du recyclage, c'est évidemment, comme ça a déjà été travaillé, la terre rare, on a plus ce problème des produits radioactifs dans les doigts, donc on peut le faire chez nous. Et simplement, le problème du recyclage, c'est qu'il ne faut pas que ça coûte plus cher que l'extraction directe à la mine. Et donc là, évidemment, ça pose des problèmes. On va reparler. On va pas mettre les terres rares avant le bœuf. On va reparler tout à l'heure des questions liées au recyclage. Peut-être un mot sur cette filière française et sur ces usines Rodia, Michel Latroche. Oui, Ron Poulenc a été un acteur majeur des terres rares. Hein. Il a développé une industrie autour de ça. Donc Bruno l'a évoqué. Pas seul après, hein, parce qu'il y avait aussi Molycorp aux États-Unis ou Santoku au Japon. Mais c'est vrai que Ron Poulenc a mis aussi au point les procédés extraction avec des ingénieurs français, un chimiste. Hein, donc c'était un fleuron de l'industrie française sur ce créneau des terres rares. Mais on va voir que la Chine, et on y reviendra, a instauré un quasi-monopole international sur l'exploitation des terres rares. On va y revenir, notamment sur la répartition des gisements. Mais avant, moi j'aimerais qu'on parle un peu de l'exploitation, justement, qui est faite dans différentes filières industrielles de l'informatique aux énergies renouvelables. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20 sur France Culture, nous parlons des terres rares tout au long de cette heure en compagnie de Michel Latroche et de Bruno Goffet qui est avec nous en duplex depuis Grenoble. Alors Bruno Goffet, Michel Latroche l'évoquait tout à l'heure, ces terres rares, comme elles ont tout un numéro atomique très proche, elles ont bien des propriétés très proches qui intéressent de près l'industrie, notamment des propriétés électromagnétiques, optiques, catalyniques. Est-ce que vous pourriez nous résumer les grandes propriétés qui font qu'aujourd'hui l'industrie, et notamment l'industrie des nouvelles technologies et de la transition énergétique et numérique, s'intéresse de si près à ces métaux rares? La principale utilisation actuelle, et qui en fait en croissance par rapport aux autres utilisations, c'est les aimants permanents. C'est les aimants. Quand un aimant à terre rare est immensément plus puissant qu'un aimant à base de fer, et du coup, dès qu'il s'agit de fabriquer un moteur électrique ou une génératrice électrique, au lieu de fabriquer un bobinage qui va générer le champ électrique, et ben on prend un aimant et on allège énormément la structure et on économise le cuivre. Donc ça, c'est la principale. Et depuis 2012, par exemple, on est passé d'une part de marché des aimants de 20% à 31% d'aimants dans l'utilisation des terres rares. pour eux. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en croissance. Ensuite, le deuxième point, c'est la catalyse. Et donc Michel en a un peu parlé tout à l'heure. C'est en décroissance depuis 2012. On utilise moins de terres rares dans la catalyse. Enfin, du moins, la part de terres rares utilisées dans la catalyse diminue. Ensuite, c'est utilisé dans les alliages métallurgiques. C'est toujours là. C'est utilisé dans la fabrication des verres et céramiques. Ça, c'est des propriétés importantes, environ 12%. Quel type de propriété pour les verres et céramiques? Je ne sais pas, Michel. Alors, Michel Latroche. Dans les céramiques, ça sert à augmenter la température de fonctionnement des céramiques. Hein. Si on veut monter à 1600 degrés, par exemple, on va ajouter un petit peu, alors c'est de l'oxyde d'yttrium, mais qui permet de monter en température et le rendement d'un moteur, une turbine par exemple d'avion, si on monte à des températures plus élevées, on a un meilleur rendement. Donc d'ajouter un petit peu d'oxyde de terre rare dans la céramique, ça permet d'améliorer ça. Et puis en optique, c'est beaucoup utilisé pour le polissage des verres. Hein. On utilise de l'oxyde de cérium. Alors, l'oxyde de cérium a l'avantage d'être assez abrasif et puis il forme un silicate avec le verre et qui va permettre de polir le verre plus facilement. Alors concrètement, ces applications, ces propriétés, elles s'appliquent dans quels endroits, dans quel type d'industrie, comment est-ce que ça se répartit et pourquoi est-ce qu'on en a de plus en plus besoin, principalement, on va parler de l'électronique, mais aussi des énergies renouvelables. Oui. Bruno Goffet et puis Michel Latroche. Oui, alors évidemment les aimants, donc ça va être tout ce qui va être utilisation des moteurs électriques. Hein. Donc maintenant il y a plus de lève-vitre de voiture qui a pas un aimant aux terres rares. Les éoliennes offshore sont essentiellement basées sur des génératrices à aimant permanent à cause de à la fois de l'allègement de la structure, l'économie du cuivre et puis surtout ça évite la maintenance parce qu'on peut travailler en ce qu'on appelle en entraînement direct. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de boîte de vitesse. Et dans l'éolienne, évidemment, c'est des coûts de maintenance qui diminuent et des problèmes mathématiques pour l'offshore, donc pour la mer, les éoliennes en mer, qui sont beaucoup plus économiques que d'avoir des éoliennes classiques avec un moteur bobiné. Et les moteurs de voitures aussi, les futures voitures électriques, actuellement sont énormément faites avec des bobinages, mais probablement pour les mêmes raisons, vont passer certainement à des moteurs électriques utilisant des aimants permanents. Ce sont des aimants permanents de néodyme dysprosium, c'est ça, hein, Michel? Néodyme ferbor. Qui est le plus répandu. Voilà. Et le samanium cobalt. Enfin, il y a beaucoup d'aimants qui sont faits, mais actuellement, le plus performant, c'est le néodyme ferbor. Michel Latroche, sur les autres applications que l'on retrouve en téléphonie, on a des métaux rares dans notre poche. Oui, on en trouve partout. Hein. Il y a beaucoup. Alors il y a des applications, je dirais, assez lourdes, comme l'a évoqué Bruno, comme l'éolienne, hein, où on a 600 kilos d'aimants dans une éolienne. Donc là, on a besoin de grandes quantités de terres rares, hein, pour faire tourner ces éoliennes. Et puis il y a des applications qui sont peut-être un petit peu moins gourmandes en terres rares, mais qui sont très importantes. Hein. Bon, par exemple, dans les lasers, hein, on va trouver des terres rares. Donc il n'en faut pas des grosses quantités, mais par contre, c'est indispensable pour que le laser fonctionne. Alors il y a beaucoup d'autres applications. Hein. On a des applications, par exemple, dans le nucléaire, hein, on utilise les terres rares comme poison neutronique consommable dans les centrales, hein, pour lisser le fonctionnement de la centrale. Donc ça, c'est une autre application qui est importante. On les trouve dans les supraconducteurs. Hein, donc les fameux supraconducteurs OTC, donc ce qu'on appelle IBAQ, hein, où on a de l'yttrium et qui permettent aujourd'hui de faire par exemple les bobines qu'on trouve par exemple dans un scanner, IRM, hein, on va travailler à très basse température. On utilise ça nous en science aussi pour faire des champs à très basse température et donc on va retrouver ces bobines supra, donc ça c'est une autre application. Alors évidemment les quantités sont moindres, on va utiliser moins de terres rares, mais on a quand même mais c'est indispensable au bon fonctionnement de ces appareils. Dans les énergies renouvelables, j'ai lu aussi que pour les panneaux photovoltaïques en silicium sont encore majoritaires, mais de plus en plus de technologies, on en parlait il n'y a pas très longtemps, à couches minces, utilisent également des terres rares. Alors il y a des matériaux à base de perovskite qui se développent par exemple, et on a dans certaines compositions, oui, on trouve des terres rares. Et un autre domaine de l'énergie qu'on a évoqué tout à l'heure, ce sont les véhicules hybrides, électriques hybrides, où on utilise des batteries nickel-métal-hydrure et l'hydrure métallique est à base de terres rares. Et ça, c'est aussi un marché très important puisqu'on a beaucoup de véhicules hybrides aujourd'hui sur le marché qui demandent beaucoup de terres rares pour fonctionner. Et même les dernières générations, puisque la Mirai, par exemple, qui est une voiture à hydrogène, elle a une petite batterie nickel-métal-hydrure pour étendre son autonomie. Donc, ce sont des métaux qu'on retrouve dans toutes les des technologies de pointe, hein, que ce soit, Bruno l'a évoqué, la catalyse, mais aussi les aimants. On n'a pas parlé du stockage magnétique, enfin, du stockage d'informations, mais si aujourd'hui vos disques durs sont aussi performants, c'est parce qu'on a pu miniaturiser les aimants, parce que les aimants sont très puissants, donc on peut faire des tout petits aimants et stocker beaucoup plus d'informations par unité de surface sur un disque qu'on ne pouvait le faire avec une ferrite dans le temps. On entend bien que, compte tenu de toutes ces applications, et notamment ces applications dites d'avenir, qu'il s'agisse de la consommation d'électronique ou d'informatique de nos civilisations humaines, mais aussi de la volonté aujourd'hui de réduire la consommation, l'émission plutôt de gaz à effet de serre, donc c'est-à-dire de tout le développement du photovoltaïque, de l'éolien, on a de plus en plus recours. Aujourd'hui, on a une estimation de la consommation ou de l'augmentation du besoin de consommation de ces métaux rares dans les années à venir, Bruno Goffet ? Oui, alors c'est assez intéressant, c'est le moment où on a eu la crise des terres rares, donc en 2011, quand la Chine, pour des raisons de conflit avec le Japon, a coupé ce que j'appelle le robinet des terres rares. Donc elles ont mis un quota pour des raisons qu'elles ont trouvées, des justifications qui étaient environnementales mais en fait politiques. Quand on s'est aperçu donc que cet élément avait un rôle important, et il y a eu deux réponses. D'abord, les Japonais ont changé d'éléments dans les batteries, c'était à l'époque c'était les batteries. Et donc ils ont trouvé un remplaçant de la terre rare, et c'est ça ce qui se passe avec ces métaux, on trouve facilement des remplacements. Et donc on s'est aperçu de ça, et aussitôt on a commencé à faire des prévisions de combien on avait besoin de terre rare en 2017. Par exemple, j'ai vu des chiffres où on a imaginé qu'on aurait en 2017 besoin de 300 000 tonnes par an de terre rare. Or, vous regardez la consommation actuelle, donc l'année 2017 vient de passer, on n'a pas dépassé 126 000 tonnes de consommation mondiale de terres rares. Et pourquoi ? Parce que justement, l'alerte qui a été faite sur à cause de cet incident 2011 a montré aux gens qu'il fallait pas trop s'investir sur des technologies uniques et pas remplaçables. Et donc, en fait, on a trouvé tout un tas de solutions qui ont remplacé le besoin en ces terres rares avec d'autres solutions, et l'augmentation finalement autour de 30% depuis 2012, entre 2012 et maintenant, l'augmentation de la consommation de terres rares est augmentée de 30%, ce qui est tout à fait modeste dans l'industrie minérale. L'acier, la consommation d'acier a doublé pendant ce temps-là. Voilà. Ce qui est intéressant, on voit bien, en fonction de ce que nous sommes dit il y a quelques minutes et par rapport à l'implication notamment dans les énergies renouvelables, on touche du doigt un paradoxe qui est souvent pointé par un certain nombre de militants environnementaux, etc., qui est de dire, très bien, les énergies renouvelables type éolien, photovoltaïque, c'est formidable, mais ça se fait tout de même avec un coût environnemental qui n'est pas neutre, puisque l'extraction de ces terres rares, vous l'avez signalé l'un et l'autre, est non seulement produit énormément de toxiques et de rejets toxiques et avec des dégâts environnementaux importants, mais aussi des matériaux fissiles, mais donc aussi une forme de production de gaz à effet de serre pour arriver à cette extraction-là. Est-ce qu'il faut revoir un peu, à votre avis, l'un et l'autre, Michel Latroche, Bruno Goffet, l'impact environnemental de ces nouvelles technologies au vu de leur consommation de ces métaux rares ? Oui, il faut bien sûr le prendre en compte. Il y a d'ailleurs un terme pour ça. Les anglo-saxons disent « cradle to grave », c'est-à-dire que qu'est-ce que ça va me coûter depuis le berceau jusqu'à la tombe ? C'est-à-dire qu'il faut que je fasse le bilan complet. Alors, on l'a vu, les terres rares sont difficiles à extraire pour des raisons de traitement chimique et puis également des rejets radioactifs. Ça peut se gérer, hein, on sait très bien le faire. Hein, par exemple, l'INAS, le gisement en Australie, il est prévu que tous les déchets soient traités de façon très propre, de façon à ne pas avoir de traces environnementales. Et la mine sera même revégétalisée en fin d'utilisation. À propos de l'INAS tout de même, écoutez ce reportage au moment où l'extraction a été lancée, aux alentours de 2012, et justement les conséquences environnementales du traitement de ces terres rares extraites. Si la Chine a longtemps été seule à produire ces sacs de terres rares, c'est aussi parce que les Occidentaux ont préféré délaisser leurs propres gisements. L'exploitation de ces matériaux est notamment radioactive, comme le précise clairement ce panneau. Seulement voilà, si les terres rares sont une première fois transformées ici sur place, dans cette énorme usine, l'étape la plus sensible et la plus polluante du raffinage est réalisée en Malaisie, à 5000 km de l'Australie. Des milliers de tonnes commencent à y être envoyées par conteneur. Au grand désespoir des mouvements écologistes locaux qui manifestaient encore fin novembre contre l'arrivée de ce qu'ils appellent les poubelles de l'Australie. Cette mine signe donc la fin du monopole chinois des terres rares. D'autres pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Afrique du Sud veulent désormais exploiter leurs propres gisements. Les terres rares semblent être le nouvel or noir du XXIe siècle. Voilà, c'est un reportage de 2012 où on disait déjà prophétiser la fin du monopole chinois. 6 ans après, manifestement, ça ne s'est pas produit. Mais on entend tout de même quelque chose qui est une réalité. C'est le traitement non seulement des déchets radioactifs, la production des déchets chimiques. Bruno Goffet, une réaction à cette archive. Bah, d'abord, tous les nouveaux projets qui ont été envisagés après cette crise de 2011-2012, en fait, il y en a aucun qui, à part celui d'Australie là, qui existe, aucun n'a vu le jour. Personne ne s'est lancé. Les mines sont en attente. Il n'y a pas de projet vraiment de d'exploitation de nouvelles mines de terres rares. Voilà, ça c'est clair. Donc, tant qu'il n'y a pas, en fait, le problème c'est le coût, c'est un problème économique. Et donc, on voit bien que d'extraire des matériaux de la terre à faible coût. L'exemple des hydrocarbures est splendide pour ça. Le coût des hydrocarbures est pas cher, et pas cher par rapport à l'impact environnemental qui apparaît maintenant, 200 ans après ou 150 ans après. Et si on avait pris en compte dès le début cet impact environnemental de l'exploitation des hydrocarbures, on aurait pu dire, ben on a un stock d'hydrocarbures, on le gère, on recycle à chaque fois qu'on émet 100 grammes d'hydrocarbures, et ben on capture 100 grammes de CO2 et on retransforme par méthanation ou par autre procédé, ce que fait en partie la biomasse, bien sûr, en produits combustibles, et on gère un stock. Et avec la matière première minérale, ça risque d'être pareil si on ne fait aucun effort, si on l'exploite à coût, au coût le plus faible du marché, c'est évidemment de la pollution. Et alors, la différence entre le gaz carbonique et les impacts de l'industrie minérale, c'est que l'impact du gaz carbonique est mondial, alors que l'impact d'une exploitation d'une mine, il est local. Donc, on pourrait dire, finalement, dans nos pays, si on ne boit pas la mine, finalement, on est bien, on est très bien dans notre cuisine très propre, et puis la crasse allait ailleurs. C'est ce qu'on entendait à propos, justement dans le reportage, à propos du traitement en oui. Malaisie. Voilà, il y a des études qui ont été faites sur la mine de Bayanobo en Mongolie intérieure, c'est-à-dire la principale mine chinoise, et effectivement l'impact environnemental est catastrophique. On parle de 80% des puits d'eau impropres à la consommation, on parle des traces de terres arables contaminées par les produits chimiques aux alentours de 10%. La facture environnementale est tout de même très lourde, Michel Latroche. Oui, bien sûr, si on n'exploite pas les gisements dans des conditions écologiques responsables, on a une facture écologique très lourde. L'idée, c'est de produire des terres rares en respectant des normes environnementales strictes. Et là, on tombe tout de suite dans le problème du coût qu'évoquait Bruno, parce qu'évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de faire l'exploitation des gisements de terrain dans des conditions respectueuses de l'environnement. Mais si on veut continuer à produire ces métaux, qui encore une fois sont aujourd'hui indispensables à nos technologies, il faut passer par cette équation vertueuse d'une production propre des terres rares. Et ça va nous renvoyer aux questions géopolitiques, mais aussi à une autre question qui est en suspens et qui pose, elle, également des problèmes de coût. C'est celle du recyclage de ces terres rares. On va en parler dans un instant. From the fiery stone to Israel, sticks and feathers, limbo in your dying alone. And though you had whatever treasures, from the fiery stone, away from the flesh and the bone. Oh, Pierre Adrigeurs de l'Évêque à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons des trésors de la Terre en matière de métaux rares. Tout au long de cette heure, nous en parlons avec Michel Latroche, qui est avec nous ici à la Maison de la Radio, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut de Chimie et des Matériaux de Paris-Est, et en duplex depuis France Bleu Isère à Grenoble avec Bruno Goffet, qui est directeur de recherche CNRS émérite au Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement, c'est-à-dire ex-Marseille Université. Alors, comme nous venons de le voir, l'extraction des terres rares génère beaucoup de pollution et pour l'heure, eh bien, ces métaux ne sont malheureusement quasiment pas recyclés pour des raisons économiques au premier chef. Or, à l'avenir, pour briser la dépendance notamment européenne vis-à-vis de la Chine, eh bien, le recyclage est un enjeu industriel majeur. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé visiter une start-up française qui travaille sur des techniques innovantes de recyclage des métaux rares. Il s'agit de la start-up Agelis, une start-up qui a été fondée en 2014 et qui est hébergée depuis par la Société d'accélération de transfert technologique Paris-Saclay sur le site du CEA. L'un des projets de cette start-up lui a valu d'être lauréate en 2014 du concours mondial de l'innovation. Et ce projet, c'est le projet CITER, qui a pour but le développement d'un nouveau matériau à base de fibres de carbone qui peut retenir de manière très très sélective les terres rares. Les trois cofondateurs d'Agelis, par ordre d'apparition Vincent Huc, Pascal Viel et Ekaterina Chilova, m'ont reçu dans les locaux d'Agelis et m'ont expliqué en détail leur plan pour contribuer au recyclage des terres rares de façon plus propre, plus sélective, mais aussi plus rapide. De façon générale, le recyclage d'un métal ou d'un élément quel qu'il soit, à partir de déchets électroniques en particulier, implique l'intervention de plusieurs opérateurs, chacun avec des compétences spécifiques. Déjà des opérateurs permettant de collecter le déchet et de le rassembler. Un deuxième niveau d'opérateurs permettant de traiter, de faire un pré-traitement de ces déchets, par exemple un broyage ou un conditionnement. Et enfin, une troisième étape qui est dans notre cas la mise en solution des métaux, par exemple, que l'on souhaite récupérer à partir de ce déchet, souvent par un traitement acide. Donc on passe dans un contexte qu'on appelle le contexte de l'hydrométallurgie, donc les métaux en solution dans l'eau. Et à partir de ce stade-là, Agelis peut être pertinente pour proposer des matériaux suffisamment sélectifs pour permettre d'une part l'extraction des terres rares présentes dans ces solutions, qui contiennent beaucoup de choses qui ne nous intéressent pas, par exemple du fer, de l'aluminium, du cuivre, etc. Donc on cherche vraiment des matériaux qui vont récupérer sélectivement les terres rares à l'exclusion des autres métaux, et le faire évidemment dans des conditions qui soient rentables économiquement. Comment on récupère une terre rare plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que vous avez développé pour faire ça? Alors, pour récupérer une terre rare plutôt qu'une autre, il faut créer un matériau qui a deux approches. Un matériau qui, chez Agelis, est un matériau fibreux. On connaît en général, aujourd'hui, seulement des matériaux qui sont sous forme de billes, de polymères, de billes, de résine. Et nous travaillons aujourd'hui sur des matériaux qui ont une forme de fibre. Donc, c'est une mise en forme tout à fait différente qui va apporter des bénéfices techniques en termes de rapidité, de capacité de capture, d'extraction, également de capacité de régénération. Mais ces matériaux seuls, pour l'extraction et le recyclage des terres rares, ne suffisent pas. Il faut adjoindre à ces matériaux des molécules cages, donc ce sont des matériaux moléculaires de plus petite dimension, qui ressemblent en général à quelque chose qui va être un peu comme une bague ou un cercle de molécules organiques. Et à l'intérieur de ce cercle ou de cette bague, un atome, un ion terre rare, va pouvoir s'y loger de façon très très sélective. Donc en fait, on va sélectionner les terres rares par le diamètre très précis de ces ions et également par leur structure électronique. C'est la combinaison de ces matériaux mis en forme fibreuse qui comporte à l'intérieur de ces fibres des molécules sélectives qui permettent effectivement de séparer sélectivement telle ou telle terre rare. L'objectif le plus délicat à obtenir étant par exemple la séparation de deux terres rares que l'on appelle adjacentes, c'est-à-dire dans la classification périodique, qui sont tout simplement des atomes voisins. Ces fibres, où est-ce que vous les disposez pour récupérer les terres rares? Comment ça se passe? Les matériaux dont sélectifs, par exemple pour les terres rares de la société Agelis, sont pertinents dans la mesure où l'élément, le métal que l'on souhaite récupérer, est en solution aqueuse. Alors, ça peut se faire dans un contexte de récupération de terres rares à partir du traitement de déchets électroniques. Ça peut aussi être pertinent dans un contexte minier. Par exemple, la sélectivité apportée par nos matériaux peut dans certains cas permettre de valoriser des gisements qui ne le sont pas à l'heure actuelle parce que les terres rares produites par ce gisement sont mélangées, on va dire interférées, par d'autres métaux tels que le fer qui gênent considérablement la récupération. Combien de temps ça prend et il y a combien d'étapes finalement dans le recyclage, la régénération d'une terre rare? Les opérations de recyclage font intervenir plusieurs opérateurs. Il faut voir également que les filières de recyclage de terres rares sont encore assez balbutiantes. Certains opérateurs tels que Solvay donc, sont en pointe sur le domaine, mais c'est une filière, on va dire, qui est en cours de mise en place. Donc il est difficile à ce stade d'estimer un petit peu quel serait le temps de traitement, on va dire, du déchet, sachant que cela va impliquer des étapes de collecte, qui elles-mêmes vont impliquer une sensibilisation du grand public ou les industriels à la collecte, ça va prendre du temps. Une fois que le déchet est collecté, il devra être conditionné, broyé, mis en forme et mis en solution. Donc ce sont des opérations qui prennent pas mal de temps, effectivement. L'extraction à proprement parler des terres rares ou des métaux plus généralement par les matériaux Agelys, c'est quelque chose qui se fait en quelques minutes. Donc c'est une capture du métal d'intérêt des terres rares ainsi qu'une récupération qui sont extrêmement rapides. Il y a une variété de terres rares qui sont présentes dans la nature. Est-ce que toutes les terres rares peuvent être déjà recyclées par la fibre que vous avez développée ou est-ce qu'il en manque encore quelques-unes à votre, comment dire, à votre tableau de chasse, on va dire ? Derrière la question, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est le fait que toutes les terres rares ne sont pas intéressantes au même titre pour l'industrie. Certaines terres rares sont plus abondantes que d'autres, ou alors, et ou on va dire, plus faciles à extraire, à récupérer, et ne sont pas non plus utilisées pour des applications à très très de valeur ajoutée. Donc il est intéressant, dans notre cas, d'essayer de récupérer les terres rares qui sont les plus intéressantes et la plus haute valeur ajoutée, pour des applications plutôt en optique ou dans le domaine magnétique. Alors c'est quoi ces terres rares ? Alors, dans le domaine optique, l'erbium en particulier est une cible intéressante, un petit peu l'europium également, le néodyme pour les applications magnétiques. Et donc le but du jeu pour nous va être de développer des matériaux capables de récupérer ces terres rares qui sont particulièrement intéressantes le plus sélectivement possible. Alors les prochaines étapes, du coup, pour Agelys, qu'est-ce que c'est ? Donc l'étape suivante, c'est construire les pilotes à base de ces matériaux et ensuite de les mettre aux industriels pour tester et ensuite passer aux installations permanentes de taille plus large. Et ça prendra combien de temps ? Vous avez une estimation un peu de projection ou... Bah aujourd'hui, on s'entraîne sur les matériaux d'autres types, comme celui qui est devant vous, qui sert aujourd'hui pour la production de l'eau déminéralisée. D'ailleurs, la fibre cationique, aujourd'hui, elle est composée de telle manière qu'elle peut prendre, par exemple, aussi tout le terre rare, mais de la manière non sélective de solutions hydrométallurgiques. Donc, en fait, bon, d'une sorte, ça peut être déjà appliqué. Donc, on s'entraîne aujourd'hui sur les matériaux de sélectivité de spectre large pour ensuite passer aux installations plus sélectives. Je pense que ça devrait prendre, à partir du pilotage, ça peut prendre encore un an ou deux. Et une fois qu'on a récupéré ces métaux, comment on les remet en circulation finalement, une fois qu'ils sont capturés par les fibres ? Alors effectivement, les fibres ne sont qu'une étape finalement dans la vie de ces terres rares pour le recyclage. Il est nécessaire après de les décrocher des fibres et ça peut se faire par des traitements chimiques assez modérés, donc qui sont là encore intéressants. Et une fois qu'une terre rare ou qu'un mélange de terres rares purifiées a été obtenu, on obtient une solution aqueuse. Donc les terres rares partent d'une solution aqueuse venant des déchets, elles sont fixées par nos fibres et remises en solution aqueuse mais sous forme purifiée. Et à partir de là, ces concentrés de terres rares purifiées peuvent être réinjectés dans la filière classique d'utilisation. Voilà les enjeux industriels du recyclage des terres rares. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Bruno Goffet ? Oui, et en fait, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on a parlé d'hydrométallurgie, et ça, c'est certainement la voie d'avenir, certainement dans tous les procédés de recyclage, et ça peut se faire aussi bien sur les éléments communs comme le fer que sur ces éléments particuliers. Et en France, il y a une grâce à notre filière nucléaire, et c'était des gens qui issus du CEA, on a une grande expérience de la chimie séparative, tant au CEA que dans les universités ou au CNRS. Et ça, c'est une force de notre pays. Mais le recyclage, ça ne peut fonctionner d'une manière économique que si le coût du recyclage est égal ou est inférieur au coût de la matière première exploitée directement à la mine. Ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement. Malheureusement, non. Donc, et le problème du recyclage, il y a un problème logistique initial qui est terrible. Et en fait, l'enjeu, certainement, ça va être de concevoir dès le début de la construction des infrastructures. Et je pense en particulier aux infrastructures d'énergie renouvelable, les éoliennes, par exemple, qui vont avoir beaucoup d'aimants, de penser à comment on va les extraire ces aimants et puis finalement se constituer un stock de terres rares, que je dirais national ou européen, européen, au moins à notre échelle occidentale, pour, à défaut d'avoir exploité des gisements naturels, exploiter les gisements artificiels qu'on va se constituer en construisant tout ce système de production d'énergie et finalement avoir pouvoir recycler dans des nouvelles installations notre notre stock de matières sans aller les acheter aux Chinois qui continueront à polluer leur pays ou la planète avec des exploitations à faible coût. Mais ça, c'est un enjeu économique et une volonté des volontés économiques qui peut-être se monnaient disons par une aide de l'État par rapport au marché, quoi. Michel Latroche, sur le reportage en un premier temps, et puis sur ce que vient d'évoquer Bruno Goffet, est-ce que c'est un vœu pieux de dire qu'il peut y avoir une filière de recyclage européenne vertueuse qui fasse en sorte qu'on réutilise les métaux rares présents dans les objets du quotidien, dans les objets, dans les batteries, dans les disques durs, dans les téléphones, qui permettrait de nettoyer, entre guillemets, ou de rendre un peu plus vertueuse la filière écologique d'énergie renouvelable? Non, c'est pas un vœu pieux, je pense que c'est une réalité, hein. Beaucoup de gens y pensent et regardent. Alors, après, il y a l'équation économique, hein, Bruno l'a signalé, mais c'est quelque chose auquel on pense très sérieusement. Il y a d'ailleurs des programmes de recherche, hein, dans mon laboratoire, il y a un programme de recherche qui s'appelle Réputer, qui est pour le recyclage des terres rares issues des batteries. Avant le recyclage, il y a une autre possibilité qui est un petit peu l'optimisation des matériaux qu'on développe avec des terres rares. Alors, j'ai un exemple en tête, parce que nous, on a eu un programme de recherche où un constructeur français de batteries, Saft, hein, produisait des batteries dans lesquelles il y avait du néodyme. Mais le néodyme était en compétition directe avec les aimants permanents, puisqu'on trouve beaucoup de néodyme dans les aimants. Et comme il y avait une forte demande de néodyme pour la production d'aimants, les cours du néodyme avaient beaucoup augmenté. Et nous, on a eu un programme de recherche avec la Saft pour essayer de remplacer le néodyme par une autre terre rare. Parce que sur les 14 terres rares, comme on l'a dit, hein, quand on extrait le minerai, on a un mélange de terres rares. L'idée, c'est-à-dire, finalement, le néodyme, on peut peut-être le remplacer par une autre terre rare. En l'occurrence, on a mis du samarium. Et obtenir des propriétés équivalentes pour la batterie, les électrons F qui donnent le magnétisme n'étaient pas fondamentaux. Et donc, ça, par exemple, on peut déjà optimiser ça parce que le samarium était, par exemple, une terre rare peu valorisée et qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Donc, avant le recyclage, il y a peut-être des optimisations. Quelle quantité de terre rare je mets? Il y en a 14. On peut peut-être choisir dans les terres rares celles qui sont le mieux adaptées pour une application. Après le recyclage, je pense que c'est plus facile de recycler l'aimant d'une éolienne, hein, il y a 600 kg de néodyme ferbore, donc c'est une métallurgie assez simple, je veux dire, pour séparer ça, que d'aller rechercher la terre rare dans un écran plasma. Donc c'est pas du tout les mêmes process. Alors on a l'avantage, on l'a évoqué tout à l'heure, d'avoir une histoire chimique riche en France, hein, puisqu'on a évoqué Ron Poulin, que Rodia, Solvay, qui savent très bien séparer les terres rares, et finalement, puisque c'est très dur de récupérer les terres rares dans le minerai avec tous les problèmes qu'on a évoqués, mais on a appris toute cette chimie et finalement c'est un petit peu la même chose d'aller la rechercher dans nos déchets, les terres rares, hein, parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le reportage, c'est un petit peu ça, hein, c'est des membranes et échangeuses d'ions, donc on va retrouver un petit peu des technologies qui ont été développées. Le savoir-faire qu'on a acquis pour produire les terres rares à partir des minerais, on peut le réinvestir dans le traitement des déchets. Donc là, on a peut-être une carte à jouer, l'industrie chimique française dans ce domaine-là. Mais je parle sous votre contrôle, l'usine ex-Rodia Solvay de La Rochelle avait tenté de faire du recyclage justement et de se spécialiser dans une filière de recyclage et il me semble qu'elle a interrompu ses activités de recyclage en 2016. Je parle sous votre contrôle, c'est vrai? Oui, c'est vrai, pour des raisons de rentabilité, hein, parce que aujourd'hui c'est l'équation économique. Hein, quand on regarde le cours des terres rares, c'est pareil, hein, ça fait plus le yo-yo, donc on peut très bien se dire, cette terre rare est très chère, je vais avoir une filière économique de recyclage qui est rentable, parce que le coût de mon procédé est compétitif avec la production asiatique des terres rares. Et puis, un an plus tard, le cours s'effondre pour des raisons d'offre et de demande, et le procédé de recyclage est plus rentable. Donc, ça donne une certaine frilosité aux industriels français, parce que c'est vrai que développer une chaîne de production de recyclage des terres rares, si vous n'avez pas un marché économique derrière, c'est quand même assez risqué. Donc, je dirais que ça dépendra beaucoup de l'offre et de la demande sur le marché des terres rares. Si la demande augmente, les cours augmenteront et le recyclage deviendra rentable. Si ce n'est pas le cas, ce sera plus simple de les produire. Bruno Goffet, un mot sur cet avenir d'une filière de recyclage pérenne en France ou en Europe, et peut-être plus généralement sur la politique énergétique de la France quant à ces terres rares, avec la possibilité, pourquoi pas, on sait que la France a un parc marin extrêmement important en termes de surface, peut-être pourquoi pas de l'extraction française de terres rares dans des conditions écologiques responsables. Oui, si on accepte de payer ce qu'il faut, on peut tout faire. Et si on regarde la description mondiale des réserves de terres rares, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas en Europe. Et il n'y en a pas en Europe parce qu'on n'en a pas cherché. Et en fait, il y en a partout. Et il y en a en France. La France est riche en ressources minérales dans son sous-sol, en Bretagne, en Bretagne, Massif Central, dans les Alpes, dans les Pyrénées, etc. Donc, c'est pas une question de ressources. C'est uniquement une question économique et de savoir combien on est prêt à mettre et combien on est pour exploiter proprement, c'est-à-dire qu'on traite toute la filière de A à Z, y compris le déchet radioactif qui sera sorti. Et peut-être un mot rapidement sur ce déchet radioactif, Bruno Goffet. Un mot rapidement, excusez-moi, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc il s'agit de thorium. Un mot sur le recyclage de ce thorium, la demi-vie de l'isotope, est-ce que c'est très radioactif, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on peut le transformer, est-ce qu'on peut le réutiliser dans l'industrie nucléaire, est-ce qu'il faut l'enterrer, est-ce qu'il faut l'enfouir, on en fait quoi de ce thorium? Ouais, Michel peut mieux peut-être en parler. Il y a une filière thorium, l'Inde, par exemple, la filière nucléaire indienne est basée sur le thorium. C'est un équivalent direct de l'uranium. Oui, ça peut être utilisé dans la filière nucléaire. Bon, il n'y a pas que le thorium, hein. On peut avoir de l'uranium, oui, il y a pas que le thorium, on peut avoir du promédium, qui est aussi une terre rare. Ouais. Donc le problème de radioactivité, il est plus large que le thorium, malheureusement. Et c'est un problème difficile. L'avantage du recyclage, c'est que le minerai... Donc, quand je parle de minerai, c'est un faux minerai, puisque ce sont les déchets qu'on a recyclés, ne contient pas d'éléments radioactifs, parce qu'il a déjà été retiré lors de la production. Donc, c'est peut-être aussi un argument en faveur du recyclage, en se disant que c'est peut-être moins polluant de traiter les déchets, puisqu'on n'aura pas ce problème de radioactivité, que de traiter le minerai. Et en plus, ça permet d'avoir une économie circulaire, puisqu'on va réinjecter les terres rares dans l'économie. Bruno Goffet, oui. Oui, et en parallèle, on peut réfléchir à des solutions qui n'utilisent pas ces éléments. Hein. Par exemple, pour la production, faire tourner un moteur électrique, on n'a pas attendu les terres rares pour faire tourner les moteurs électriques. On a d'autres inconvénients, mais on consomme plus de cuivre, tout ça. Donc, ça repose le problème du cuivre et donc le recyclage du cuivre et la maîtrise de notre cycle de matière. Et c'est un peu là-dessus que moi, je veux insister. C'est que, quelle que soit la matière, les hydrocarbures, le terre rare, le fer, le cuivre, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on va... Puisque l'Europe, finalement, importe quasiment 98% de ce qu'elle consomme, pourrait au moins avoir, au minimum, une gestion de ce stock incroyable de matière qu'elle se constitue. En fait, c'est un stock à la fois les déchets, mais aussi les machines qui tournent, qui tournent et qui finiront par mourir. Et donc, on peut penser à cet énorme stock de matière qu'on voit en roulant en voiture partout et qu'on se dit, eh ben voilà, les prochaines, eh ben elles seront faites avec ça et non plus avec de la matière importée. Et quand même, l'Europe pèse lourd dans l'économie mondiale. Donc, c'est cette vision de la maîtrise des cycles à notre échelle, que ce soit, j'ai redit, hein, les hydrocarbures ou la matière première, quelle qu'elle soit, est certainement à développer sur tous les matériaux, pas seulement sur les terres rares. Les terres rares sont emblématiques parce qu'elles sont faites totalement ailleurs et puis il y a eu des incidents diplomatiques avec cet élément-là. Peut-être un mot également pour conclure sur la recherche en composé de substitution des terres rares, puisque manifestement, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la Chine a organisé non seulement sa filière, elle a organisé en produisant à très bas coût la fermeture dans un premier temps des mines étrangères, puis ensuite la pénurie. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une filière de recherche proactive pour tenter de diminuer la part des terres rares, pour tenter de regagner en souveraineté par la diminution de la production et de l'industrialisation de ces terres rares, Michel Latroche? Oui, il y a des programmes de recherche qui sont faits dans ce sens-là. J'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, pour les matériaux pour batteries, alors on ne s'affranchissait pas des terres rares, mais on essayait d'utiliser des terres rares qui soient moins difficiles à approvisionner sur le marché. Mais on a aussi des programmes de recherche pour développer des alliages, par exemple, sans terres rares. Là, on s'affranchit complètement des terres rares en essayant d'avoir des propriétés qui soient équivalentes. Donc, à ce moment-là, on tourne sur des alliages, par exemple, titane, nickel, cuivre, ou des choses comme ça. Donc, oui, il y a des recherches qui existent. Il faut quand même garder à l'esprit que les terres rares ont des propriétés extraordinaires, par exemple en magnétisme, hein, on l'a dit, hein, les électrons F donnent des propriétés magnétiques qui permettent d'avoir des performances en termes de stockage d'informations ou en termes de champ magnétique qu'on ne pourra pas faire avec un autre élément. Donc il ne faut pas non plus dire on peut remplacer les terres rares par un autre élément. Il y a des applications où ce n'est pas possible. Mais il y a certaines applications. Peut-être les garder uniquement pour ces applications. Oui, voilà, on peut les optimiser pour ces applications-là, et puis réfléchir pour d'autres applications où ça. On a parlé tout à l'heure du polissage du verre, on utilise de l'oxyde de cérium. Je pense qu'on peut utiliser sans doute un autre matériau pour polir le verre et s'affranchir du cérium. Donc il y a des cas où c'est possible, il y a des cas où ce sera très difficile. Les aimants, ça paraît très difficile, les lasers, ce sera très difficile, les supra-OTC aujourd'hui, c'est très difficile. Bruno Goffet, à ce propos, sur la recherche pour des technologies de substitution. Oui, alors sur les, ce que moi je distinguerais de deux choses, c'est les, ce qu'on appelle les petits métaux, donc les terres rares font partie. En général, on arrive à trouver une solution, sauf pour vraiment des technologies très très pointues à petit volume. Mais en fait, en général, on trouve une solution de substitution par une autre technologie, et on l'a bien vu, hein, on remplace les lampes à économie d'énergie à terres rares par des LED, on remplace les disques durs par d'autres choses, etc., etc. On trouve des solutions. Et alors, on peut se poser la question, bah, finalement, qu'est-ce qu'on peut pas remplacer? Bah, c'est les métaux de base. Finalement, quand vous avez besoin de faire une tour, vous avez pas beaucoup de remplacements, soit du béton, soit de l'acier, on a du mal à remplacer le cuivre. Et donc là, la question de ces ressources et de leur recyclage va se poser d'une matière cruciale, parce que si, pour une raison ou pour une autre, les coûts augmentent, ça ne sera pas la matière première qui manque, hein, parce que la matière première, il y en a, mais c'est les coûts qui dépassent ce qu'on imaginait, des problèmes politiques, des problèmes environnementaux dans les pays qu'ils produisent. Finalement, on va avoir du mal à gérer ce remplacement des matières premières de base qui construisent vraiment notre environnement physique. Et ça, l'exemple de ce qui se passe avec les rares, on pourrait, sans être anarmiste bien sûr, mais d'y réfléchir à ce qu'on peut faire si ben, il y a une contrainte mondiale sur telle ou telle matière première. Et donc cette idée d'une maîtrise complète des recyclages de notre système de matières premières. Ce qui veut dire qu'à moyen terme, peut-être pas dans les 10 ou les 15 ans ou les 50 ans à venir, mais à moyen terme, contrairement à au titre de ce livre de Guillaume Pitron qui avait un peu défrayé la chronique, vous pensez, Michel Latroche, que la guerre des métaux rares n'aura pas lieu ? Non, je ne pense pas que la guerre des métaux rares aura lieu. Je pense que bon, il y a des solutions technologiques, hein, Bruno l'a évoqué. Je pense aussi qu'il faut regarder les ruptures, hein, les ruptures scientifiques, elles existent. Hein. Il y a 30 ans, les aimants à terres rares n'existaient pas. Tout le monde travaillait avec des ferrites et personne n'avait imaginé la puissance des aimants permanents. Et il y a d'autres exemples, comme les batteries lithium-ion n'existaient pas non plus. Et puis elles sont apparues grâce au travail des scientifiques. Donc je crois qu'il faut garder confiance dans nos scientifiques pour produire des ruptures technologiques qui permettront de résoudre ces problèmes. Et peut-être de diminuer aussi le coût environnemental de ces extractions ou de le faire dans de meilleures conditions. Merci beaucoup à tous les deux, on arrive à la fin de cette émission. Merci Michel Latroche, merci également à Bruno Goffet, merci aux camarades de France Bleu Isère à Grenoble pour le duplex. Et puis vous pouvez évidemment vous référer à La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique de Guillaume Pitron, c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Sarah Igement, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Villefranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Audrey Guélil à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est toute la semaine, une semaine spéciale consacrée à l'héritage de mai 68 dans le domaine des idées, des savoirs, de la connaissance. Vous allez en avoir un aperçu dans un instant avec le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine, La radicalisation des milieux d'extrême gauche après mai 68. C'est une série documentaire signée Christelle Le Polotec et Christine Robert. Tout à l'heure, après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, ce sera l'heure de retrouver du grain à moudre. Les syndicats sont-ils encore au C'est la question que posera ce soir Émilie Chaudet à ses invités. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous parlerons camouflage, dissimulation, invisibilité, ces nouveaux matériaux qui vont tout faire disparaître. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.